Chapitre 25e. Paulin Broquet est un naïf. Il sourit en voyant Miss Eden apparaître. « Vous ! » s'écria-t-elle avec angoisse. « Moi ? » répondit l'homme en lançant au plafond, béatement, une large bouffée de fumée. « Oui, moi !» Cet homme, jeune encore, était en habit de soirée. Il avait des cheveux noirs, une barbe brune, très abondante, mais taillée assez court et en pointe. Son teint était mat. Ses yeux brillaient étrangement. Il lançait des lueurs phosphorescentes, des lueurs froides comme sont celles des couteaux, des poignards traîtres. Sous le noir de sa barbe, son sourire ailleurs montrait des dents blanches, pointues, des dents de loup qui mordent, déchirent, dévorent. « Entrez donc, cher ami » fit-il. « Entrez !» Miss Eden, remise de son étonnement, sentant que l'heure de la lutte était venue, s'avança, prête maintenant à soutenir le combat. Elle était redevenue elle-même et avait retrouvé jusqu'à son sourire. Tout en grâce souple, féline, elle s'avança et jouant négligemment avec l'écharpe de dentelle qui lui couvrait les épaules et retombait jusqu'à ses genoux, elle vint s'asseoir, très à l'aise, très chez elle, dans une bergère. Et tournant son regard sur l'étrange visiteur, elle attendit. Au bout d'un moment, le visiteur jeta dans la cheminée la cigarette qu'il fumait et dit « Vous êtes, je le vois, justement étonné, cher ami, de me trouver chez vous à cette heure. »« Je ne le suis plus maintenant, » répondit Miss Eden. « Avouez cependant que vous ne m'attendiez pas. Je n'ai pas à le nier, toutefois je comptais vous voir. »« Oui, j'entends. C'est seulement l'heure, le moment. » Où vous me voyez, et la façon dont je suis venu ici qui vous auront surprise. » Miss Eden ne répondit pas. Elle avança la main vers la table supportant les boîtes pleines de cigarettes. Elle prit une cigarette à bout doré. Obligeamment, le visiteur lui présenta du feu. Miss Eden alluma sa cigarette et se pelotonnant dans sa bergère, lentement elle se mit à fumer, prête à écouter posément cet homme qui tout d'abord lui avait causé une si grande surprise, une si forte terreur. Le visiteur à son tour alluma une cigarette et reprit « Ainsi, ça y est, vous voilà amoureuse ?» Miss Eden le regarda du coin des yeux. « Amoureuse, moi » fit-elle simplement. « Oui. Voulez-vous me permettre un horrible jeu de mots ?» La femme rousse devait aimer l'homme de la rousse. « Je ne comprends pas. La femme rousse, c'est vous. L'homme de la rousse, de la police, c'est Paulin Broquet. » Miss Eden eut un geste de mépris. « Ce n'est ni spirituel ni poli. » « Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un mot de goujat. » Le visiteur s'inclina. « Vous avez raison. » Puis après un silence, il reprit. « Vous ne vous demandez pas comment j'ai pu arriver jusqu'ici. »« Non, vous êtes très fort, très habile. » »« On le dit. » »« Vous le prouvez. Vous êtes chez moi. » »« Voilà la seule chose qui m'intéresse désormais. » »« Et m'y voici malgré toute une complication de réseau, de piège électrique. »« Très ingénieux d'ailleurs. » »« Pas assez cependant. » »« Pas assez en effet. » »« Me voici dans votre boudoir. » Malgré les gardes spéciaux et terribles, comme ceux que vous appelez vos cuirassiers, vos boas, et ces mignons donneurs de mort, vos terribles serpents corail. Le visiteur se mit à rire. Vos gardes, vraisemblablement, ne sont bons que contre la police, car ils arrêtent Paulin Broquet et son malin lieutenant Lamorce, mais ils laissent passer ceux qu'ils devraient retenir. Le visiteur appuya sur ces mots et il ajouta « Je ne parle pas pour moi ». Puis il reprit « Croyez-moi, ma chère amie, vos trucs électriques, vos serpents ne vous gardent pas plus que Salomé. Salomé, la grenouille verte apprivoisée que vous éleviez dans un bocal. » Et en riant, il poursuivit. Vraiment, il n'y a que Paulin Broquet qui puisse s'y laisser prendre. Sans compter, insinua vivement Miss Eden, sans compter celui qui a eu le bras brûlé. Pouah ! Celui-là ne vaut pas mieux que le détective. C'est un maladroit. N'en parlons pas. Revenons à Paulin Broquet. Voulez-vous ? Je vous écoute. Entre nous, c'est un naïf, un gobeur, croyez-vous. Chaque fois qu'il tente une affaire, il la manque. Je ne vois pas. Comment ? Il se laisse prendre deux fois par vous, et de quelle façon, comme un enfant ? Il vous semble. C'est indéniable. Paulin Broquet se met en frais d'imagination pour pénétrer chez vous. Il invente une canne à bout de cuivre pour dépister les pièges électriques. Il ne s'aperçoit pas que les pièges ne partent pas, ne sont pas armés, car il ne l'était pas quand il est venu, n'est-ce pas ? Il ne l'était pas. Ensuite ? Et cela ne l'étonne pas. Il ne se rend pas compte que si ces pièges ne sont pas armés, c'est qu'on l'a bien voulu, que c'est fait exprès. Il ne songe pas un moment que c'est parce qu'on attend sa venue, qu'on le guette, qu'on le suit, qu'il va être pris. Il se croit très malin parce qu'il arrive, avec toutes ses précautions grotesques, là où vous vouliez qu'il vînt. Et puis, ce bébête, avouez-le, je ne trouve pas. Allons donc. Et c'est là ce fameux Paulin Broquet, celui qui se proclame le vainqueur de Zigomar. Le visiteur leva les bras au ciel et se mit à rire. Le vainqueur de Zygomar. Le vainqueur de Zygomar. Avec force, il affirma, comme si Zygomar pouvait être défait, comme si l'on pouvait vaincre Zygomar. Puis il se leva et se mit à marcher nerveusement dans la pièce. Miss Eden, impassible, fumant à petits coups sa cigarette, le suivait incessamment des yeux. Le visiteur reprit. « Votre Paulin Broquet est un fantoche, un grotesque. »« Très ingénieux, il invente une échelle en tube d'aluminium qui a fait rire tout le monde. » Et il monta cette échelle extraordinaire, comme il montra son échelle en fil d'aloès, car à toutes les échelles, il s'empresse de grimper, c'est une manie. « Pour n'arriver à quoi ? Par le rez-de-chaussée, par le toit, à se faire prendre. »« C'est idiot, c'est voulu, » répliqua Miss Eden. « Voulu. » »« Oui, car il n'avait pas d'autre moyen de pénétrer chez moi. » »« Il n'avait qu'à venir le demander. » »« Il ne le pouvait pas. » J'aurais certainement refusé à ce moment. Non, non, ne cherchez pas à défendre ce détective. Cependant, il a failli vous découvrir. Il était sûr que vous étiez là. En tâtant les murs, en flairant comme un chien de chasse, c'était drôle. Il aurait pu vous prendre. Il ne l'a pas fait. Cela appuie mon opinion. Voilà un détective qui sait que dans l'appartement rôde un inconnu entré à l'insu du maître, par conséquent un malfaiteur, et ce détective ne le poursuit pas. Ne va pas jusqu'au bout de son enquête, s'arrête. Cesse ses recherches, et s'en va laissant l'ennemi dans la place. C'est d'un ridicule achevé. Et cela dépeint bien l'homme, qui prend tant de précautions pour mieux tomber dans la trappe. Miss Eden répliqua. Vous vous trompez grandement. Paulin Broquet a employé le moyen qui lui a paru le meilleur, pour arriver jusqu'à moi, le seul qui me contraignit à ne pas refuser de l'entendre. Ce moyen peut vous paraître, comme vous le dites, enfantin, naïf, ridicule, mais grâce à lui, Paulin Broquet a atteint son but. Et ce but était de devenir mon rival ? Votre rival ? Oui, mon rival, mon ennemi. Son but était de connaître la femme rousse dont il est ridiculement épris, d'entrer en amitié avec elle, de souper avec elle, ici ou chez lui. Eh bien, quand cela serait ? Le visiteur répondit en riant. Parfait. Paulin Broquet, vous aimant éperdument, mais c'est un bonheur pour les autres. Vous connaissez le proverbe. Quand les chats sont amoureux, les souris sont tranquilles. Puis il reprit alors sérieusement. Mais entre Paulin Broquet et vous, il n'est pas seulement question d'amour. Vous avez formé une sorte d'association. Vous vous êtes ligués tous deux dans un but que je n'ai pas à connaître et dont je ne vous parle que pour vous dire qu'il est ridicule et que vos espoirs sont insensés et que le merveilleux Paulin Broquet, inventa-t-il encore une échelle fantastique, n'y pourra atteindre. Le visiteur disait cela avec une assurance railleuse et cruelle. Miss Eden l'écoutait. Et peu à peu sa radieuse figure se couvrait d'un voile d'indéfinissable tristesse. Pendant un moment, l'étrange visiteur se promena de long en large dans la pièce sans rien dire, sans même tourner les yeux vers Miss Eden, angoissée. De temps en temps, il s'arrêtait brusquement, semblait écouter. Puis, ayant la sensation que rien ne troublait le silence régnant dans la maison, il reprenait sa marche. Enfin, il se décida à parler. Un homme qui aime est un homme à demi vaincu, un faible, prêt à toutes les compromissions, à toutes les petites lâchetés humaines, à toutes les trahisons. Alors il revint prendre la place qu'il occupait tout à l'heure, en face de Miss Eden, et reprit. Paulin Broquet, je le sais, se donnera corps et âme pour vous causer une satisfaction, une joie, pour vous plaire. Moi, chère Ida, je ne veux pas être dispensé par mon rival, et je vous apporte ce soir un peu de bonheur.